gros, c'est la pire des violences. Physique ou psychique, elle agit avec virulence. Bellec, elle t'attaque au moment de la confidence. Elle aime tout banave, donc faut pas lui faire confiance. Elle crée des confidences avec tes proches, c'est évident, c'est flippant. Elle s'en fout de ce que les queues flippants. Elle prend la forme humaine, elle te plante souvent dans le dos. Elle a chien contre pied, elle s'appelle parfois Ronaldo. Pique pas ta zarzar, c'est moi-même, j'en étais victime. Mes pensées sont devenues sans scrupules, ouais, comme les victimes. Moi, je sais pas pour vous, pour moi, elle est dans ma chepeau. Elle sort du coma, c'est dommage, imagine donc. Moi, je donne malgré tout, ouais, les bénéfices du doute. Elle fait du hors forfait qui est abonné au fils de pute. C'est pas dans le cœur des gens, elle fait beaucoup de sollicitations. C'est surtout que le diable utilise de jolies citations. Reçu son schéma, gros, ouais, je fais pas de schéma. J'arrive du positif car j'influence les mecs de chez moi. Malfaiteur, escane sous Big Balta, Azaha. Eskamikaze, F de X, c'était Ada Sahara. Reçu son schéma, gros, ouais, je fais pas de schéma. J'arrive du positif car j'influence les mecs de chez moi. Malfaiteur, escane sous Big Balta, Azaha. Eskamikaze, F de X, c'était Ada Sahara. Je suis pas handicapé, sur chaise roulante et tout faible. Enfermé sur toi-même, les portes de sortie tout ouvert. Merci monsieur, crois-moi, nous apporte pas de coups de pouce. Vos jambes en moi ne permettent pas la compagnie de rester debout. Imagine-toi, la peau mate, la peau noire est sur toi. On investit que quand t'es clown, tu rapportes dans un tournoi. Imagine-toi, Moussa, Mohamed dans un tchécar. Je raterai la côte au rêve car l'origine est handicap. Imagine Juja, l'apparence d'une casquette à maillot. N'oubliez pas, 12 ans pour viol de monseigneur Gaillot. Imagine-toi, juste un chiffre dans une échelle sur un graphe. Un point sur une courbe, tu pars que les meufs trouvent ça ingrat. Tu sais pas, juste un regard pour une différence peut blesser. La violence, c'est pas que physique, les coups, les arrêts. Le regard tu portes, c'est la clé à la discrimination. N'oubliez pas, on est unique, donc d'une manière tous différente. Produit son schéma, gros, ouais, je te fais pas de schéma. J'arrive du positif car j'influence les mecs de chez moi. Malfaiteur, escane sous Big Balta, Azaha. Eskamikaze, F de X, j'étais à Dazaha. La violence et la drogue, elle te pique ton bien-être. La dépendance vole ta descendance bien avant de naître. La violence, un taux d'alcoolémie bien trop développé. Une boisson qui se termine quand la mort vient te dégoter. La violence, c'est le sexe quand tes envies deviennent un viol. Quand la fierté se fait tourner dans un club d'échangistes. La violence physique qui se transforme en une agression. Elle devient psychique puis elle t'entraîne vers la dépression. La violence égale terrorisme, un attentat dans un marché. Un enfant qui fait le péché alors que ce n'est qu'un ange. La violence, ma tranquillité, bafouée par les keufs. Ma tranquillité, bref, on a assez parlé d'eux. La violence et la vitesse quand tu percutes des innocents. Quand ils y laissent la vie, que tu les vois de la bande d'arrêt d'urgence. Bref, la violence, c'est au Big Balta et malfaiteur. Du sans scrupule, du commando M, du GTA. Produit son schéma, gros, ouais, je fais pas de schéma. J'arrive du positif car j'influence les mecs de chez moi. Malfaiteur, escane sous Big Balta, Azaha. Eskamikaze, F de X, c'était à Dazaha. Ouais, ouais, ok, c'est Banayo Prod. Catalan, mort à mort. T'as pas le mental, mon gros. Si, si, GTA, Metz, Moussama, la famille sans scrupules. Commando M, ok, si, si.